Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Mercredi, il est 22h, vous connaissez le deal, c'est l'heure de Boum Boum. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'ami Alexis Pauline pour une sélection tricolore tout en douceur, où le chant des oiseaux appelle la guimbarde, la guitare et quelques cuivres. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse en compagnie d'Alexis qui va expliquer un petit peu plus sa sélection. Bonne écoute sur Boum Boum. Bonsoir, on est sur Boum Boum, vous allez écouter une sélection de ma part, Alexis Pauline. Malheureusement, je ne peux pas être en direct et dans les locaux de Nantes avec Jonas et Vincent ce soir. Du coup, on enregistre quelques heures avant. Il est pratiquement 11h à Marseille. À ma gauche, je vois la bonne mère. Et je me prépare à faire cette sélection d'un peu moins d'une heure de galettes, de 45 tours et de 33 tours. On va commencer avec un morceau de Teddy Lasry, suivi d'un Pierre Barou. Et on continuera comme ça durant 50 minutes. Donc j'espère que cette sélection va vous plaire et bisous à tous. Thank you. Peut-être que demain on se retrouvera, peut-être

Thank you.

le goéland quitte la grève. Ses ailes vont ensevelir nos souvenirs dans un pays sans avenir. Tout va mourir, tout est mort, tout s'oublie, surtout les mirages. Valérie, si tu revenais sur la plage, tu ne reconnaîtrais rien. Tout a fini, tout a changé, l'été est loin. Et je m'ennuie pourvu qu'aux prochaines vacances, nous puissions nous retrouver dans une danse. Et la vague en se brisant tout près de nous emportera tous nos tourments. Mais je suis fou, le sable a retrouvé ses rides. Valérie, combien sans toi la plage est vide. Et la vague en se mourant vient caresser le beau château abandonné par ses amants. On accroche les galaxies qui s'enfuient. satellite sur la pointe du bic. Le soleil derrière l'oreille des comètes, rangé dans une serviette, tout ce qu'on voit entre pouces et doigts. Voici la lune dans une plume, Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Ça brillait au-dessus du papier, calendrier dans un encrier. Hier, demain, saisi par une main, aujourd'hui, dans un bel étui. Voici la lune dans une plume, Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Mon labo est dans un stylo, mon jardin est sur un calepin. Mon terroir se tient dans un tiroir, tout ce qu'on voit entre pouces et doigts. Voici la lune dans une plume, Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Voilà, on finit ces 50-55 minutes de musique avec un disque 100% marseillais, Les Enfants des Quartiers Nord brisent la glace. autoproduction enregistrée dans un collège dans les années 80, dans les quartiers nord. Le morceau La Samba de Marseille, évidemment, hein, ça paraît logique pour finir, toujours en vue de cette bonne mère qui nous surveille. Et encore merci à Bumbomo et bonne soirée. Voilà, cette émission est terminée. Je voudrais juste finir sur une petite note pour indiquer à celles et ceux qui seraient intéressés qu'Alexis Pauline expose actuellement à Nantes, à la galerie Artichaut, près de 50 otages. Voilà, c'est pour quelques semaines encore, et je vous invite à vous y rendre si vous aimez la peinture contemporaine, et aussi si vous aimez les petits desserts qui sont très bons à l'artichaut, me dit-on. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Prune, laisse l'antenne pour Trafic d'Influence, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les petits loups.